Avec ma guitare, je chante la vie, je chante l'amour. Le soir, avec ma guitare, je chante mes nuits, je chante mes jours. De mes rêves à la réalité, je voyage avec légèreté. Le vécu et l'inventé, je m'amuse à les mélanger. Avec ma guitare, je chante les gens, je chante le monde. Le soir, avec ma guitare, je chante l'avenant ou celui qui gronde. Toutes les choses qui ne vont pas et toutes celles qui m'émerveillent. Tout ce dont je ne veux pas ou tout ce qui anime mon sommeil. Pour moi, alors c'est pareil.